Voilà, je vous souhaite le bonsoir, mon noble ami. Approchez, approchez, venez plus près. Faites-vous quelque chose de sale. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Tu l'as vraiment trop cru. Voici venue l'heure du Memento. Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode du Memento. Je vais très fort, est-ce que je... Oui, on est des beaufs. Oui, c'est bien, bien sûr. Soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode du Memento Beauf. Oui, parce que c'est un Memento spécial beauf. Aujourd'hui, nous sommes 7 autour de la table. Il y a donc Asma, la magnifique horloge parlante. Bonsoir. Il y a Tim. Bonsoir. Xavier. Coucou. Maxime. Hello. Kevin. Nicolas à la régie. Coucou. Et moi-même. Alors, est-ce que c'est que dans le retour casque que ça sature vraiment? C'est absolument horrible. Ok, d'accord, super. Okay. C'est juste nos casques qui vont trop fort. Okay. Voilà, donc, le concept de l'émission de ce soir, c'est donc bien d'élire notre chanson préférée de musique beauf. On s'est tous ramené avec une sélection assez magistrale et ça risque d'être assez drôle. Je sais pas trop quoi dire à part que ça va être bien. Ouais. Voilà. On attendait le petit pad, merci Nicolas. Le Memento en mode All-Star spécial beauf, c'est tout de suite sur Radio Panique. Et je suis presque prêt à lancer la musique, merci beaucoup. Samba. Avec les diamants. C'était... Allô ? Ouais. Oui, on entend, merci. Mais c'est oui cool. Oui, bienvenue dans ce Memento Beauf. Tout le monde est là dans le studio ? Oui ouais. La technique fonctionne pas. C'était donc la magnifique chanson de 98 en mode Brésil, tout comme il faut. Kevin, pour voyager un petit peu, approche ce micro dans cette régie à côté de Nicolas. Pour voyager un petit peu, après le Brésil, on part plutôt vers l'Allemagne. Oui, plutôt vers l'Allemagne avec un très très bon remix d'un grand classique. Un très grand classique. Et qui dit musique beauf dit remix version dubstep. Et je pense que l'intro est un peu longue, mais ça vaut le coup d'attendre. Je pense que tu peux lancer Arthur, du coup. Ah, je pense que c'était pas ça. Et non. Et c'est quand même un très bon titre qui arrive après. C'est un petit teasing. Hein. C'est toujours pas celle-là. Mais... Voilà. Ah. Désolé. C'est un truc beauf, hein. On prépare pas, on fout un peu le bordel. C'est ça qui est bien. La fin de Beethoven. Oh oui, merci Kevin pour cette magnifique chanson beauf. Je rappelle que le but de cette émission est bien de voter pour votre chanson beauf préférée. Gardez donc en tête ce que nous avons écouté. Nous avons déjà... Ok, c'était une pub. C'était une pub beauf flamande. Du coup, gardez bien en tête ce que nous écoutons après la samba Beethoven. Juste après ce morceau-là, je pense qu'on va commencer un petit blind test beauf préparé par Maxime. Ouais. Mais juste du coup, avant ça, Tim, tu as une petite. Merveille. Petite merveille. Une douce. Qui sent le barbecue. Je ne dirais pas merveille, je dirais plutôt merguez. Pour ma part, oh. C'est une chanson des Musclés. Voilà, un groupe que j'adore, que j'aime énormément, qui sont un peu les Police, j'ai envie de dire, les Clash français. Donc voilà, je vous propose une chanson qui sent bon le barbecue, que je voudrais dédicacer à Kevin qui est là, parce que c'est quand même le roi du barbecue, en général nu derrière son tablier. J'ai des photos à l'appui. Voilà, exactement. Et du coup, je vous propose la merguez partie, qu'on a déjà entendu rapidement tout à l'heure, malheureusement. Donc mais je n'explique pas pourquoi il y a un chant tyrolien au début de ce morceau d'ailleurs. Voilà, je vous invite à écouter la merguez partie. C'est très sympa, ça sent l'été, ça sent le Ricardo trop. Mais allons-y, merguez partie. Merguez partie, c'est moi qui gère la musique. Et, je crois que et la merguez n'est pas partie. Voilà. Pire idée du monde. Allez! Dans la forêt, il reste... Et c'était donc la Merguez Party des Musclés, voilà, un groupe que j'affectionne tout particulièrement, qui m'a accompagné dans toute ma jeunesse. C'est complètement faux, mais voilà, mais qui donne envie de barbecue et d'été pour lutter contre cette neige bruxelloise qui nous emmerde depuis ce matin. Voilà, ça nous emmerde pas non plus énormément, mais voilà. Maxime ? Oui. Alors, si le beauf aime les merguez, il aime aussi autre chose. Il aime aussi les cronichons. Ah, yes. Et ça tombe bien, parce que c'est le titre de ma chanson. Je l'ai découverte tantôt, elle est assez incroyable. Et elle vient d'une compile qui s'appelle Le Top des chansons Cochon Volume 1, que je vous recommande. Où est-ce j'ai un qu'on peu peut parcouru la trouver, cette compile ? Bah, sur Spotify. Ah, parfait. Ouais. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a un volume 2, du coup. Ouais, oui, il y a plusieurs volumes. Il y a plusieurs volumes. J'ai tenté que le volume 1 pour l'instant. Ben voilà, on s'écoute les gros nichons. Yes. On y va pour les gros nichons. On n'aime pas les œufs au plat, ni les planches à repasser. Nous, on veut du Vanderbras, ouais. De beaux obus à baiser. Ils sont souvent raplapla, oh. Les nénés de nos nanas. On rêve de Robert d'enfer, ouais. Qui pointe sous leur pullover, ouais. Et vive, vive, vive les gros nichons, les paires de seins comme des ballons. En porc, en poire, au valouron, faut du volume sous le téton. Et vive, vive, vive les gros nichons, les paires de seins comme des ballons. Tant qu'il y aura du monde au balcon, ça bougera dans les pantalons. De bonnet B, oh libérer les décolletés. Naturel ou siliconé, on étale des gros tétés. Roplo-plo, jolie mamelle, au débordé dont des dentelles. Méganibar à l'appel, ouais. Vous nous rendez la vie belle. Et vive, vive, vive les gros nichons, les paires de seins comme des ballons. En pomme, en poire, au valouron, faut du volume sous le téton. Et vive, vive, vive les gros nichons, les paires de seins comme des ballons. Tant qu'il y aura du monde au balcon, ça bougera dans les pantalons. Et donc sur ces magnifiques paroles, sur ces magnifiques nichons, tétons et eaux au plat, en tout genre. De très bon goût en tout cas. De très très bon goût. Bon, moi j'ai beaucoup aimé. Bravo Maxime. Merci. Je pense que tu nous as préparé un bon petit blind test c'est sur ça. La thématique du jour. C'est sur, ça. Sur la beaufitude. Du coup je vous ai préparé un blind test sur les beaufs, sur les films beaufs. Bah, simplement on écoute l'extrait et vous, le premier qui crie le nom du film a gagné. Enfin, on fait un faut peu crier, crier ou chaud patate. Non, pas trop crier. Je laisse le micro ouvert comme ça, on a une petite réaction. Okay. Mais. On est dans le studio 1. Et je joue aussi, c'est ça qui est bien. À la régie, je joue, ça c'est beau. Et est-ce que tu as du volume sous le téton ou pas? C'est hyper important. Bip bip. Ouais. Merci. Bon, on va lancer le premier extrait, ça va? 3, 2, 1. C'est parti. Mon PC qui drame. T'as déjà vu Point Break? Oui, en concert. Brice de Nice. Le film Point Break avec c'est bon. Patrick Swayze. Putain. C'est ça. Ah ouais. Non, non. Non. C'est pas beauf ça. Tu connais pas Point Break? Oh, quand même un petit peu. Non, un petit peu. Un petit peu. Hein. Et oh la honte. Ouais. Tout est dans Point Break. Je suis en train de lire un livre sur le licenciement. Dick Connect, ça. Dick Connect. Ouais. Oh. Sur le chapitre 2, j'ai déjà tout compris. C'est signé un certain Jean-Marie Messier. Ok, 3, et après on passe à autre chose. Numéro 3. Comment j'arrive à rien ce matin, hein? Ah, moi non plus. Oh, c'est quoi ça? Ah, j'ai tellement mal au crâne, j'ai l'impression qu'on m'a roulé dessus. Ah ouais, c'est moi, désolé. C'est fatal. Je dormais dans le garage quand j'ai rentré la voiture. Oui. C'est fatal. C'est Fatal Picard. Donc on y non, est. Fatal tout court. Fatal Bazooka. Ouais, le film de Fatal Bazooka. Ça s'appelle Fatal. C'est ça. Ok, on s'en sort pas mal. Bien joué. On s'en sort pas mal. Maxime. J'ai un peu de genre. Oui. Tu peux couper l'extrait qu'on puisse discuter. Maintenant que tu es à la technique, tu vas pouvoir passer la musique suivante qui est sur Spotify. Tu peux regarder, tu peux annoncer et la personne annoncée pourra vendre son morceau. Vendre. Quoi ? Vendre sa cam. C'est les médias. Se défendre plutôt. Oui, aussi on peut. Je dois pas l'annoncer, je dois juste l'annoncer. Oui, de dire qui c'est, comme ça la personne qui le fait. L'artiste, c'est Nickelback. Ah! Qui a fait ça? Oh non! Ah! Ben, moi je trouve que c'est un beauf un peu plus original. Moi j'ai une petite anecdote sur Nickelback. Est-ce qu'on m'entend? Parce que moi je ne m'entends pas. Oui, on t'entend. Oui, on t'entend très très bien. Il faut juste que tu trouves le bon petit bouton je pour sais, augmenter merci, ton volume mais... casque. Oh, c'est ce que mon ex me disait. Et à fond de balle et je ne m'entends pas, certes. Au Canada, donc les Nickelback et canadiens, au Canada il y a des bars où il est marqué en très grand que c'est interdit de passer du Nickelback parce que c'est hyper fort la honte. Donc, génial. Je t'emmerde. Eh bien moi je trouve que Nickelback est un choix intéressant de truc beauf parce que ça a rythmé une petite partie de ma jeunesse quand même. Pareil. Et que il y a comment dire ça, j'ai perdu le fil, mais en gros je trouve que c'est intéressant comme alternative au les gros nichons. C'est un peu, c'est détesté. On va sur France Inter, quoi. N'est-ce pas c'est bon choix, là. C'est détesté par énormément de monde. Et moi, ça me fait beaucoup rire parce qu'en vrai, j'ai bien aimé et j'aime bien particulièrement cette chanson-là qui s'appelle Figured You Out parce qu'elle a une bonne énergie. Et voilà, tu peux le dire sans accent pour qu'on reste dans le beauf ou pas? Ouais. Quel accent? Un bon accent de francophone, quoi. T'oublies l'accent, tu trouves une petite canette. Oh. Allez. Voilà. Oh. Okay. Et maintenant, tu recommences sans accent. Mais j'ai fait figure you out, quoi, je sais ah, pas. Ah, figure you out. Ah oui, on parlait du passage en anglais. Je crois que tu voulais que je refasse toute ma prestation scénique radiophonique avec l'accent. Déjà que c'était chiant à mourir. Alors, mais quand même, toi, il y a un moment. Je préfère encore écouter Asma qui nous explique son anecdote de bar canadien. Voilà. Du coup, on va lancer cette musique. Maxime, est-ce que tu es prêt pour nous passer du Nickelback figure you out? I like your pants around your feet, and I like the dirt that's on your knees, and I like the way you still say please while you're looking up at me. You're like my favorite damn disease, and I love the places that we go. dirt that's on your knees. I like the way you still say please while you're looking up at me. You're like my favorite damn disease. Well, I hate the places that we go. Donc c'était Figure U Out de Nickelback. Merci Xavier, tu fais un bien meilleur mauvais accent que moi. Donc la prochaine chanson, moi je voulais prendre une chanson de Vincent Lagaffe. Oh. Le mythique animateur du Big Deal sur TF1 que je regardais avec mon frère chaque après-midi. Bip bip. Ouais. Avec le fameux double choix, etc. Donc Vincent Lagaffe qui a un jour voulu se lancer dans la chanson et qui s'est dit pourquoi pas moi. Finalement, pourquoi... J'ai une carte à jouer. J'ai une carte à jouer, pourquoi ne pas faire une petite chanson. Et donc il a sorti Beau le lavabo, qui est une chanson très beau, mais finalement aussi pour se moquer de toutes les chansons qui n'avaient pas trop de sens. Et donc il a fait une chanson absurde au possible. Et donc voilà, Beau le lavabo de Vincent Lagaffe. C'est pas du tout ça. Hein. C'est pas trop ça, non. Il y a encore quelqu'un qui a laissé le Spotify ouvert. Maxime, c'est que de ta faute. Beau le lavabo. Ah. Le lavabo, le bidet. Alors attention, faites en plus. C'était donc Beau le lavabo de Vincent Lagaffe. Et j'ai une petite anecdote à ce propos, parce qu'en fait, ce morceau, à la base, il l'a fait pour se foutre de la gueule de toute la scène New Beat et House qui débutait à cette époque-là. Et quand on écoute, justement, il dit maintenant, on a les percus, on a le machin, vas-y, on en refait un. C'est pour ça qu'il dit vas-y, tu prends le même beat, tu changes les paroles, tu dis des trucs qui veulent rien dire. C'est pour ça qu'il commence par il est beau le lavabo. Après, tu reviens deux ans après, tu prends un truc, et il dit, tu changes juste les paroles. Et c'est pour ça qu'après, il dit oh, tu fais il est beau le bidet. Et après, il dit vas-y, après, tu fais un remix, tu composes tout. Et après, c'est pour ça qu'il fait il est beau le lavabo, il est beau le bidet. Donc voilà, en fait, à la base, il se fout de la gueule de tout ce qui était Benny B, Pump Up de Jam et compagnie. Alors qu'en fait, bah Vincent Lagaffe, c'est une grosse merde parce que tous les tracks de genre Benny B et tout, ça défonce. Ouais, et en même temps, moi je trouve que ce beau lavabo, tu mets ça dans une soirée où les gens sont un peu drogués. Ouais, c'est de la house, en fait. Ils commencent à trouver ça très très cool et les gens ils sont là, c'est quoi ce truc trop fou. Et Maxime en off nous disait que c'est, ça a été numéro 1 en France. Ouais. Mais en même. Gros, ouais, ouais, genre, c'est l'année, ça représente l'année 1991 dans la chanson francophone, mais je sais pas quel top, mais je trouve ça fou, quoi. Dans le top de la chanson beau. C'est fou de la se dire, ouais, c'est fou de se dire pays, on va faire une chanson pour rire, et puis finalement, ça marche quand même. Il y a plein, il y a une époque où Sébastien Patrick, avec, quand il pète, il trouve son slip, il a dépassé Get Lucky de Daft Punk. Et du coup, à ce moment-là, c'était je sais plus quel gros rappeur américain qui avait Chris Brown, voilà, qui avait du mal à vendre des disques et qui a dit à ses maisons disques, je veux faire un feat avec le numéro 1 en France. Et c'était lui. Et c'était Sébastien Patrick. Et apparemment, les gars de la maison de disques lui ont dit, ouais non, on va peut-être attendre un peu, on va peut-être passer, on va peut-être attendre le deuxième, que ça passe quoi. À autre chose, quoi. Voilà. Voilà, c'était l'anecdote du jour. Merci, Tim. Je trouve qu'elle était bien plus intéressante que la mienne. Ah, tu vois, il n'y a pas de bar en France où il y a écrit No Bolo Lavabo au-dessus du bar. Hein, ah non, moi j'avais l'impression d'être en Boiler Room, c'était génial. Du coup, je vais passer à la prochaine chanson qui se prénomme Claquettes Chaussettes. Qu'est-ce que serait une émission beauf sans ces claquettes chaussettes? Pour l'anecdote, parce que j'aime les anecdotes, c'est l'artiste qui va suivre à relancer la mode des claquettes chaussettes dans les cours d'école des 15-16 ans. Donc oui, il ne faut pas forcément s'appeler Roméo Elvis pour être cool en claquettes chaussettes. Mais alors par contre, relancer, je ne sais pas vous, mais moi j'étais dans une école privilégiée où les claquettes chaussettes n'existaient pas. Moi alors, c'était interdit, j'étais en uniforme, mais j'imagine qu'il y a t'étais peut-être... T'étais en uniforme oui, oui. Ah merde. Jusqu'à mes 16 ans. Coucou, petite perruche. Bonsoir. Donc voilà, je propose qu'on lance les claquettes chaussettes. Arima. Ça veut dire ça. C'est le nom de l'artiste. Et nous on est fiers de nos darons. C'est la famille avant tout. Et Alors, on n'attend pas Patrick? Ben, je vois que tu lances une musique sans même me consulter. Merci Arthur. C'était transition. Les transitions léchées, ce qu'on appelle. Plus jamais je me mets à la technique. En fait, je l'ai fait genre 3 fois sur ces 5 ans de Memento. Ça ne s'est jamais bien passé. En vrai, tu t'es proposé hein, gratuitement. Mais je me suis dit, je vais te laisser t'amuser avec le pad que t'as si bien préparé. Et ben, en fait, non. Ah ben, c'est bien, il est super pour la voilà. Voilà. Merci beaucoup à toi. Ben, du coup, j'ai la patate chaude pour mon petit choix, musique beauf, qui m'a pas été volé, mais on s'est rendu compte, Maxime et moi, qu'on avait exactement le même, à savoir les gros nichons, cette musique de bon goût. Les grands esprits beaufs. On a ça en commun, apparemment. Enfin, pas les gros nichons, évidemment, mais le goût musical pour cette passion. Chanson. Du coup, je me suis rabattu sur quelque chose sans doute d'un peu plus sage, musicalement peut-être un peu plus écoutable, mais qui fait... La chanson fait l'apologie d'un footballeur. Alors déjà, ça, de base, je me suis dit que c'était un peu beauf. Oui, oui. Voilà. Bon, après, le football n'est pas forcément beau, quand même un petit peu. On est plusieurs à aimer le foot et à aimer. En tout cas, dans le pourcentage de la beaufitude, ça doit rajouter quelques pourcents, ça c'est on est bien sûr. D'accord. On est c'est pas de la claquette chaussette, c'est pas, je sais pas ce que ça pourrait être. Oui, mais les footballeurs sont en claquette et un peu chaussette dans les vestiaires. Voilà. C'est les ados de 14 ans qui vont à l'école avec le maillot d'Hazard contrefait, acheté sur le marché. De la donc du midi. Quelque part, si c'est pas beauf tout de suite, ça engendre de la beaufrerie. De la beaufrerie. Beaufitude, de la beaufrerie quelque part. On... Barakisme. Oui, aussi. C'était une adaptation locale. Un belgicisme. Ne sommes-nous pas en Belgique? Oui, madame, je suis d'accord. Bon, en tout cas, la chanson, vu qu'on va y revenir, la chanson que j'ai choisie. Et ma chanson. Elle fait l'apologie de pas n'importe quel footballeur quand même, Zinedine Zidane, et c'est une chanson des Vaudeville Smash, je crois, de mémoire, vu que j'ai pas du tout la conduite en face des yeux. Tout à fait. Mais Arthur, je te propose de l'annoncer tout de suite et puis profitons. Putain, j'ai encore raté le lancement. Non, c'est pas grave. Yes. In 1972, under a scorching June sun, in the French coastal town of Marseille, 2 Algerian immigrants awaited the birth of their 5th child. Later that day, a star was born. Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Verón, Suarez, Van Basten, Gianluigi Buffon, Xavi, Iniesta, Drogba, Hazard, Tevez, Schweinsteiger, Steven Gerrard, Alessandro Del Piero, Neymar Forlan, Özil, Nakata, Jean-Pierre Papin, Balak, Van Persie, Beckham, Giggs, Scholes, but the strongest of them all. Zinedine Zidane, Messi, Gareth Bale, Kjaer, Nedved, Maldini, Aguero, Raul, Casillas, Cavani, Benzema, Mandžukić, Mario Balotelli, Zlatan Ibrahimović, Lothar Matthäus, Shevchenko, Cantona, Ronaldinho, Ronaldo, Romario, Rivaldo, Robinho, Ramirez, Kaká, Falcao, Frank Ribery, Pirlo, Cahill, Company, but the strongest of them all. Zidane. child. Christ. Baggio. Diego Armando Maradona. Carito, William Gallas, Sanchez, Mark Bosnich, Halp, Alexi Lalas, Wilshere, Honda, Busquets, Siki Simao, Thierry Henry, Modric, Vidal, Patis, Donova, Eto, Zizou. Zizou! Ben voilà, Vaudeville Smash, avec Zinedine Zidane. Et 1, et 2, et 3, 0. Bip bip ouais. Merci. Bon, ben, faut transitionner. On m'a dit qu'il y avait un petit Booba dans les tiroirs. Ah oui, c'est moi. Ah c'est ben voilà. Ben, il faut se réveiller, mon petit gars. Je suis Booba. Non, c'est mieux. On dirait un « Je suis Charlie » après un dramatique accident de Booba. Booba je suis Booba. Bah, il s'est fait supprimer après d'Instagram. Après ce terrible accident d'hélicoptère. Je suis Booba. Quand il s'est fait supprimer d'Instagram, j'aurais dû poster un truc. Je suis Booba. Non, c'est un. Non, c'est mieux qu'un morceau de Booba. Oui, ça existe. C'est mieux qu'un morceau de Booba. Deux morceaux de Booba. Non, c'est mieux qu'un morceau de Booba ou un. J'espère un jour featuring Booba et Jules. Mais non, c'est Booba en mash-up avec Francky Vincent. Donc voilà, c'est un validé. Double dose, mon gars. C'est Booba avec validé et Francky Vincent avec fruit de la passion. Et je vous propose validé de la passion. Il a 5 ans, c'est lundi. Il est pour nous et travail. Ou pas de l'élever ou amourer. On nous fait mal le lit. Parait-il est national. Un bon week-end qui est infernal. Si on dit qu'elle fonde à l'entendre. Marie-Chantal. Dans ta sensi, vous te tunis. Et moi-même en tout tunis. Car elle s'en va transporter moi. On manie un transport en commun. Continuez. Première fois que je t'ai vu, je me souviens. Mais moi, c'est à cause de prévu. Ton déranger m'a laissé cogner. Deux jours plus tard, j'ai pris un doggy style. Ton nom reste dans nos lieux. Nous deux, c'est fini comme mon lieu sale. Sois défendu, tu es là. être ici. Pas besoin de me faire un dessin. À pleine main, je prends tes hanches et tu cesses de faire la planche. Tiens, voilà ton étalon qui enlève son pantalon. Et c'est avec émotion que je te souffre de la passion. Yes, c'était validé de la passion. Francky Vincent, Booba, que du lourd, que du sale, que du soleil. Oh, oh. Très beau. On est sur Skyrock. Le poète. Diffoulé sur Skyrock. Diffoulé sur Skyrock. Bon, j'ai un petit jeu à vous proposer. Nouveau petit jeu. Ça s'appelle Le Roi des Beaufs. Et donc, le but, c'est que chacun notre tour, on va citer quelque chose qui fait beauf. Et le premier qui n'arrive pas à trouver, bah, il se fait éliminer de la partie. Est-ce que tout est permis ? Tout est permis. Tout est absolument permis. Tous les coups sont permis. Le but, c'est que ça aille assez vite. Ouais. C'est ça. Dès que tu arrives, on va compter 3 secondes maximum. Si tu n'arrives pas à placer ton truc, tu... Okay. T'es mort. T'es mort. Je suis hyper stressé. Je suis hyper stressé. Dégage, t'es beau. J'en ai pas des masses, hein, j'ai l'impression. Mais bon, on va essayer. Moi, j'en ai 3. Eh, viens dans le studio, on en a des masses, nous. Allez, allez. Eh ben, c'est parti. Xavier, à toi. Claquettes chaussettes. Gordon 12-12. Banane Fila. Fiat Multipla. Elle est pas plus haut que le vert, hein. Sergio Tacchini. Le Fricola de chez Lidl. Le Maxi 50. François Pirette. Les bagnoles surbaissées. Rater les lancements de chansons. Sac banane. Ah, on a déjà eu sac banane. Pachati, quelle ambiance ici, Rossi. Oh, la lef en canette. Débrider sa mobilette. Le training pression. Le festival de la coupe mulet. Oh, yes. Habiter à Boussu. Habiter à Carnion. Appeler Donovan. J'en ai plus. J'abandonne. Les chaussettes au-dessus du training. Regarder les feux de l'amour l'après-midi. Le tatouage du nom de sa première meuf avec des fautes d'orthographe. Une Peugeot 106 tunée. Avoir la compagnie créole en backstage. Oh. Être fan de Jean-Luc Reichmann. Chiquer la bouche ouverte. Un poster de Maria Carré. Ah, Kevin, j'ai non, plus. Tu peux pas nous faire ça, mon sbourinage. Fumer en conduisant avec les vitres fermées et les enfants à l'arrière. Ça sent le vécu, Arthur. t'es comme mes couilles, toujours dans mes pattes. Aller à un concert de Johnny avec la famille. Ah, Johnny. Mettre un poster, un autocollant de Johnny sur le capot de sa voiture. On l'a vu. On l'a vu. Si ta jambe gauche est Noël et ta jambe droite le nouvel an, tu mangerais bien entre les fêtes. Boire des Gordon 12-12. On l'a déjà dit. Ah, déjà dit. Dommage. Oh, si j'avais un chausse-pied, j'y aurais mis des couilles. Non mais vous m'avez perdu là. Ah, éliminé. Merde. Casquette à l'envers. Fausse buffalo à flamme. Oh putain! Xavier, des chaussures qui s'illuminent quand on marche. Ça, c'est hyper stylé. Un porte-clés Pikachu. Ils ne sont plus que deux. Le duel. Le duel est ultime. Le Xavier, c'est à toi. J'abandonne. Maxime, tu es le roi des beaufs. Ah et il dab, merci, putain. Je dab. Et il dab. C'est sa façon d'aimer. C'est ça. Kevin. Merci. Oui. Il paraît que tu avais une célébration toute bien indiquée pour vendre ce roi des beaufs, oui. Alias Maxime Cassard. Oui, j'ai un peu changé d'avis sur la chanson. Donc, c'est bien, tu gères la musique, donc oui. C'est très bien. Donc je suis toujours sur un roi des beaufs, parce que quand on dit beauf, on dit musique française ou rap, et surtout on parle de Seth Gecko, parce que c'est quand même un des beaufs ultimes. Le plus beau. L'homme qui est quand même parti en Thaïlande ouvrir un bar à putes. Je pense que ça se respecte au niveau de la beaufitude. Donc je vous propose de découvrir la Bistouflex de Seth Gecko. Oh, elle est belle. Rien que le nom de la chanson. Je suis aussi nul qu'Arthur. Ah, merci. Ce moment de blanc. Wesh, le Bistouflex. Dire, j'ai commencé sous la touche. avec du savon de Marseille. Mais t'inquiète, je m'arrêtais toujours avant que ça saigne. À l'époque, je mettais des slips, j'avais pas de caleçon. Pour dire, j'avais pas encore de sperme, juste la sensation. Je tirais dessus comme un fou, espérant la voir se rallonger. Galère, la seule téloche était dans la salle à manger. Donc, je devais attendre qu'ils aillent tous se coucher. Moi, je m'essuyais dans tout ce que je pouvais trouver. J'usais tout le papier toilette, mais pas pour me moucher. J'allais dans la salle d'eau, ils entendaient pas l'eau couler. J'étais grillé, mais il m'en fallait encore une. J'étais suspect de regarder les clips à minuit sans volume. Sur la 13, y'avait des clips, sur la 19, des films de scousse. J'ai dû en écouler des litres de splouch. Pour en faire une de valcheux, j'ai dû lastiquer ma de schtroumpf. Dis pas le contraire, même les filles se touchent. Sors les lingettes, bis tout flex. Le gomme toilette, bis tout flex. La meilleure cachette, bis tout flex. C'est les toilettes, te casse pas la tête. Sors les lingettes, bis tout flex. Le gomme toilette, bis tout flex. La meilleure cachette, bis tout flex. C'est les toilettes, te casse pas la tête. Ça te rappelle des souvenirs, un petit cachotier. Moi j'ai 15 ans de métier, alors fais pas le gars choqué. Mes DVD, je les ai jamais fait d'aînés. J'ai cru dur comme fer au coup de la passoire devant la télé. Avoue, un petit coup de pougnette, ça fait du bien aux coucougnettes. Sur mes survêtes, c'était des taches blanches, pas des trous de boulettes. Une petite avant les cours, c'est meilleur quand c'est court. C'est pas les meufs, c'est les pages Playboy qu'on se faisait des tours. Partout en séjour, en vacances, fallait que je laisse ma trace. Que je suicide mes orphelins sans jamais me faire cramax. Jamais, sauf quand c'est ma mère qui ramasse les chaussettes. Et quand les déroulants, ça fasse le but du scotch, mec. J'aurais dû mettre une clochette au-dessus de la teuport pour avoir le temps de mettre éjecte et de cacher ma cassette, de faire croire que je dors alors que sous ma couette c'est une salle de sport. Cette d'affilée, cette de battre leur corps. Sors les lingettes, bis tout flex. Le gomme toilette, bis tout flex. La meilleure cachette, bis tout flex. C'est les toilettes, te casse pas la tête. Sors les lingettes, bis tout flex. Le gomme toilette, bis tout flex. La meilleure cachette, bis tout flex. C'est les toilettes, te casse pas la tête. 27 ans que je me lève avec cette barre de fer. Une petite branlette, ça sert quand ta femme veut rien faire. Quand elle sort, je mets ma vidéo d'Alison Ray. Un post-it sur la porte au cas où un de mes amis sonnerait. Si elle m'engueule, elle est ingrate. Je la trompe avec ma main gauche avec ma main droite. Je crois que je vais lui reprendre les clés de la part. Elle m'a trop surpris, la tête écarlate, en train de me graisser la patte. Je trompais Julia avec Tabata, Katsumi avec Dragixa. Je trompe mes cassettes vidéo en train. J'adore quand mon petit écran écarte les jambes de sauterelle. Je trompe Dolly Golden avec Yasmine, Carla Nova et Katja Cassine. La branlette, je sais pas si tu t'imagines. Petit frère, c'est des millions de spermatozoïdes qu'on assassine. Sors les lingettes, bis tout flex. Le gomme toilette, bis tout flex. La meilleure cachette, bis tout flex. C'est les toilettes, te casse pas la tête. Sors les lingettes, bis tout flex. Le gomme toilette, bis tout flex. La meilleure cachette, bis tout flex. C'est les toilettes, te casse pas la tête. Tous les bis tout flex ont des avant-bras de pénis man. Les parents de Pignolo, on est tous des bis tout flex. Flex 7 kicks. Cette Gecko, ah mais des souvenirs, ça faisait longtemps que je l'avais pas écouté. Alors ça, déjà j'avoue devant la Belgique entière que je l'écoute comme ça pour le plaisir cette chanson. Et mais non, un grand plaisir. Merci, merci Kevin d'avoir proposé cette petite chanson. Très bonne interlude. Je pensais que. Bah aussi, on va pas se mentir. C'est double souvenir, double Madeleine de Proust. Bref, il est temps de. Madeleine de Proust. Voilà. Merci. Merci. C'est tout pour moi ce soir. Yes, elle est belle. On m'a soufflé dans l'oreille il y a quelques secondes qu'on allait enchaîner avec la suite du blind test. Exact. Beauf, je pense. Alors je vois des gens qui s'affairent autour de l'ordinateur pour trouver les bons extraits. On est prêt. Vu l'attitude d'Arthur, je crois que c'est bon. Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que tout le monde entend plus ou moins bien? Oui. On est prêt, c'est parti. Eh ben joue. Oui, ça veut dire que éventuellement les bronzés, ça. Si vous étiez au bout du rouleau, on pourrait envisager de conclure. Mais quel? Oui, font du ski, font du ski, c'est ça. Enfin, vraiment, s'il n'y a plus espoir, oui. Bon, alors on va voir ça. Ah, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'ils viendront pas, moi. Bon, dans 10 minutes, je nous considère comme définitivement perdus. Bon, c'était ça, c'était les bronzés font du ski. Bon, extrait numéro 5. Qu'est-ce que vous lui avez dit exactement? À qui? À ma femme! Ah, le dîner de con! Elle vient à la maison, vous lui parlez 5 minutes et elle repart en courant. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je croyais que c'était l'autre hystérique, je vous dis. J'ai pensé, elle a trouvé quelqu'un pour garder les chiens et maintenant elle vient foutre la pagaille, cette personne. Elle est de qui il parle là? C'est Kevin Parker? J'adore! Catherine, tu vas rentrer chez toi, j'ai un Thierry l'ermite! Alors. Un jour, il faudrait qu'on essaie de faire une émission comme ça. Ce serait socialement et tout à fait immoral. Un dîner de con. Oui. J'avais l'idée d'organiser un jour un podcast, mais que j'invite trois potes plus un con et qu'ils ne sachent pas qu'ils sont là. C'est vraiment très vilain. C'est très vilain. On va vraiment faire gaffe quand tu viens. Vous êtes d'ailleurs tous invités. Et ce qui est très triste, c'est que Driss n'est pas là ce soir alors qu'elle aurait pu. D'ailleurs, c'est sympa de m'avoir invité, les gars. Oh, t'es vraiment un sale petit con. Hein. Le suivant. Bon, allez, hop. En un, tu vas me faire à manger. Manger? Oui. Si tu as faim, tu t'es fait livrer un pizza. Le boulet, le boulet. Ouais. Ah, bien. Putain. Poulet, ne m'oblige pas à parler espagnol. Prends cette valise. C'est pas un film de bouffe, ça. Suelta la maletas. Suelta la maletas. Laisse-moi passer. Suelta el maletas. Ne m'oblige pas à parler espagnol. Voilà, voilà. T'aurais jamais dû faire ça. Jamais. Attends. Pauline, laisse-moi t'expliquer. C'est parce que je l'ai fait dans le désordre. Attends, Pauline. Je dois d'abord manger. Je devais te baiser à mort aussi. Pauline, attends. C'est marrant, c'est qu'il a exactement Pauline. La même scène dans Podium, je pense, où il gueule. Ouais, c'était juste un petit coup de bite. Et puis elle part. Tu viens de niquer une partie de mon blind test. Ah. Allez. Podium. Attends, j'ai trouvé avant, ça c'est incroyable. Ouais, d'office. Bon. C'est bon. Un petit dernier pour la route. Un dernier. Allez, c'est parti. Surtout qu'on n'a pas encore décidé ce qu'on passait après, donc préparez ça dans vos têtes. Pourvu que ce soit pas celui-là. Et boueux, ça vous va? Eh, hey, dites donc, pourquoi pas ramasser le Père Noël est une ordure. Ouais, ça va pas, non? Attends, on va mettre autre chose, on va mettre... Zezette. Oh, bah vous avez quand même Bureguet. Pardon? Bah Bureguet, celui qui travaille dans les bureaux. Ah oui, vous voulez dire buraliste? Mais non, buraliste, ça bosse dans un tabac. Mais vous êtes complètement abrutis, vous, hein? Je vous en prie, laissez comprendre. Je fais ça uniquement par solidarité. Je suis moi-même en ce moment au bout du rouleau, hein. Mais dites donc, vous avez fait des ratures partout, vous avez tous salopé ma feuille. Sac à merde. Non, mais qu'est-ce qu'elle veut dire, la mongolienne, là? Tu vois ce que j'en fais, moi, cette feuille, pauvre conne. Oh. Voilà. Classique. Ce qui est intéressant, c'est quand on veut expliquer aux Français c'est quoi un baraki, ce film-là est extrêmement utile parce qu'on dit groseille, c'est dans le Père Noël. Pas du tout, la famille groseille, c'est dans le long fleuve tranquille. Oui, bon, voilà, ma culture cinématographique est limitée, mon anecdote tombe gentiment dans mon verre de Jean-Claude. Tant qu'il y a du pastis, ça va. C'est ça. Ton verre de quoi, Arthur? Est-ce qu'on peut dire à l'antenne, qu'est-ce que tu bois? Je bois un verre de gentiane, qui est un alcool distillé par mon ami Xavier, ici présent, qui est mon cadeau. Donc effectivement, qu'on a été récolté en Suisse, les racines de gentiane, qui ne sont pas distillées, qui sont infusées dans du vin et de l'alcool. Voilà. Mais il y a de la gentiane distillée, mais c'est un peu moins bon. Voilà. C'est un peu plus fort aussi. C'est un peu plus fort, ça arrache un peu plus la gueule. Ouais. Ok, qui a encore une musique du fond du panier, de quelque chose d'un peu sympa? Moi, j'avais envie de proposer Bass Hunter, ouf, pour Button Anna. Donc un petit hommage à la culture internet des années 2000. Donc la chanson a fait le tour d'internet à cette époque-là, mais c'est aussi un peu un hommage à la techno de notre enfance. Faut dire que voilà, moi j'ai grandi à Boussu. Et à Boussu, qu'est-ce qu'on fait le week-end? On sort les gueules. Qu'est-ce qu'on fait le week-end à 3h du matin? Aussi des courses de voitures jusque Carnion également, mais pas que, on vient chercher de l'argent devant la banque qui était juste en face de chez moi. Et comment est-ce qu'on va rechercher de l'argent? On met la musique à fond, on la laisse tourner le temps que les billets sortent avec les bas de caisse qui vibrent. Et donc voilà, une petite chanson techno pour rendre hommage à cette époque. Hon röjer upp i våran kanal. Jag vill berätta för dig att jag känner en båt. Jag känner en båt. Hon heter Anna, Anna heter hon. Och hon kan banna, banna det så hårt. Hon röjer upp i våran kanal. Jag vill berätta för dig att jag känner en båt. Som alltid vaktar alla som är här. Och som ser till att vi blir utan besvär. Det finns inget takeover som lyckas. Kom ihåg att det är jag som känner en bot. En bot som ingen annan står. Och Bip bip. Det satte verkligen kanalen ur balans. Jag trodde aldrig att jag hade så fel. Men när Anna skrev och sa jag är ingen bot. Jag är en väldigt, väldigt vacker tjej. Som nu tyvärr är väldigt främmande för mig. Men det finns inget som behöver förklaras. För i mina ögon är hon alltid en bot. Hon heter Anna. Bass Hunter, donc, dans ce Memento, on ne le rappelle pas assez, Memento spécial beauf en ce jeudi, une fois par mois. Ça a peut-être une habitude, ce petit Memento beauf. Moi, je trouve ça un peu... Merci Arthur. C'est cool de pouvoir se lâcher pendant une heure et demie d'émission et pouvoir écouter. En fait, Arthur est en train d'appuyer sur tous les boutons du pad et voir ce que ça fait. Mets le... exactement celui-là. Yeah. C'est un G7 d'Arthur de Ligne tout de suite sur Radio Panique. Génial. Oh, t'es vraiment un sale petit con, hein. Bon, dans les chansons beauf, moi j'en ai choisi une. Alors j'avoue que j'écoutais cette chanson quand je comprenais pas très bien l'anglais. Du coup je n'étais pas conscient du fait qu'elle était très très beauf, cette chanson. Pour vous pitcher un petit peu l'histoire avant de vous dire c'est laquelle. En gros c'est une lettre ouverte à une actrice porno. Voilà, ça c'est un petit peu... Déjà, c'est très beau. Enfin, je pense que c'est déjà validé. Gros coup de tampon sur la chanson. En fait, le mec explique que la femme a déjà sucé plein de bites. Et pourquoi pas la sienne. Et donc, il envoie une petite lettre. Et puis, deuxième couplet, tu réponds pas, je comprends pas. T'as déjà eu toutes les bites du monde et pourquoi tu veux pas de la mienne. Et voilà, c'est un peu ça. Alors, je vais vous passer la chanson. Vous allez sans doute la reconnaître. Si j'ai vous pas... reçu une lettre. Exactement, c'était Renan Lussat. Les messages cachés derrière les chansons. Non, c'est Blood Out Gang avec The Ballad of Chessie Lane. Chessie Lane étant une actrice porno. Et on l'écoute tout de suite. À toi, DJ. Dear Chessie Lane, I wrote to explain I'm your biggest fan. I just wanted to ask, could I eat your ass right back as soon as you can? You've had a lot of dick, had a lot of dick. I've had a lot of time, had a lot of time. You've had a lot of dick, Chessie, but you ain't had mine. Dear Chessie Lane, I wrote to complain, you never wrote me back. How could I ever eat your ass when you treat your biggest fan like that? You've had a lot of dick, had a lot of dick. I've had a lot of time, had a lot of time. You've had a lot of dick, Chessie, but you ain't had mine. Dear Chasey Lane, I wrote to constrain. This letter is my last. As your biggest fan, I must demand you let me eat your ass. You've had a lot of dick, had a lot of dick. I've had a lot of time, had a lot of time. You've had a lot of dick, JC, but you ain't had mine. P.S. Mom and Dad, this is JC. JC, this is my mom and dad. Now show 'em them titties. Now show 'em them titties. P.S. Mom and Dad, this is JC. JC, this is my mom and dad. Now show 'em them titties. Now show 'em them titties. Would you fuck me for blow? La tectonique. Bah dis donc. On est en live. Blowed Out Gang, c'était The Ballad of Jesse Lane sur Radio Panique. Une lettre plein d'amour. Une lettre, oui, plein d'amour, on peut le dire. Et là, Nico a sorti le Marcel, c'est assez incroyable. Voilà. Si je peux rajouter un truc dans le tour de table, dans le jeu du roi du beauf, faire la régie en Marcel. En Marcel, merci. Ouais, j'ai pas tenté les claquettes chaussettes aujourd'hui par le temps, j'avoue. Et mais peut-être, pourquoi pas au printemps. Voilà. Joli. Donc. il faut du pad là. Super pour l'appareil photo. Merci. Le blind test. Le blind test. Encore. Ah non, j'ai dit la tectonique. On a dit la tectonique. On a dit la tectonique. Mais je pense qu'il y a un petit souci tectique, n'est-ce pas? Non, mais tectonique. Il y a un petit souci tectonique. Mais donc, comme les claquettes chaussettes, qu'est-ce que serait une émission beauf sans la tectonique? Et on n'a pas du tout d'excuses parce qu'en fait, on n'avait pas 12 ans quand c'est sorti. On en avait plus 16, 17. Mais est-ce que tu as aimé la tectonique? Mais je vous avoue que cette espèce de mash-up entre les deux gros tubes de la tectonique, ben oui, je les ai tous les deux écoutés. Et j'ai dansé dessus. Qui est-ce que ça étonne ici autour de la table? Personne. J'avoue, moi je me souviens de la tectonique quand c'était genre underground. Genre quand c'est arrivé en 2007. Et que genre. Before it was cool. Ouais, c'est ça, quand c'est arrivé et que tu voyais les trucs, tu disais waouh, c'est genre bizarre, waouh, c'est spécial, tu vois. Ces gens qui se mettent du gel à répétition. Ouais, et puis 6 mois plus tard, tu faisais genre oh mon dieu, quelle c'est horreur. Terrible. Et il y avait la star de la tectonique qui s'appelait JJ. JJ, il était incroyable. JJ, il était incroyable. Ah, il y avait des stars de tectonique. Bien sûr qu'il y avait des stars de tectonique. Mais il est dans le clip, je sais plus lequel. Bondotech. Ouais. Et là, c'est genre un espèce de mash-up entre un Allemand et un Suédois. Et ce Suédois est toujours DJ aujourd'hui. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Mais alors que Avicii ne l'est plus d'ailleurs. arrête, Avicii, c'est trop de son histoire. Il est mort le club. Il fait partie du club des 28. Il est mort le club. Le mec, il a quand même pas eu de chat, tu vois. Ah, il est mort à 28 ans. Ouais. Il s'est loupé. Raté. Et Kevin, est-ce que tu as le 11 je l'ai. Nous lancer? Vas-y. Bah, écoutez, un petit bout de tectonique pour se faire plaisir. On peut danser. Elle est trop bien celle-là. Faites vos meilleurs moves. Bon, on fait encore là. Hop. On met du gel, on passe la troisième. Thank you. Xavier. On est live apparemment. Bah oui, tout à fait. C'était une sortie de musique un petit peu violente. Était rude. Une outro bof. Ouais. Une blague bof aussi. Hein. Merci. La suite, c'est un blind test. On revient avec le blind test. J'avais une sur sur Marc Doutreau. Je ne sais pas si ça marche ah ou si, pas. Ah si, aujourd'hui on peut. Ça peut être pas mal. Voilà. C'est Radio Panique, mais quand même. Bon, allez, c'est reparti, petit blind test. Relax, tapette. Human Traffic. Non. Regardez-vous. C'est Jim Carrey. Tout ce que vous savez foutre, c'est passer vos journées à vous traiter. R-E-S-T-E-C-P. Genre Ali G. Ali G, c'est ça. Ah, c'est Ali G. Ouais, pas mal. Bien, ouais. Bien joué. Ouais. Restec pas. Comment voulez-vous que les gens puissent se restecper dans la vie? C'est marrant, c'est le même doubleur que Jim Carrey, j'ai l'impression. Ah ouais? Ouais, j'ai l'impression. Les uns les autres. Sergent, veuillez expulser ce monsieur. Vous voulez savoir comment rendre ce pays meilleur? C'est simple. Deux mots. Impose ton style. Viens pour chipoter là-dessus. Ton, c'est pas un vrai mot, ça te baie. C'est une liaison pour attacher les deux autres. Impose ton style. Le député de Space ton sera style. Exclu du Parlement. Ouais, c'est parce que je suis black. Allez, suivant. Tu vas la fermer ou je t'en colle une. Et vous changez la bagarre. Don, don, don, don, vous êtes venu à la bonne place. Don, don, don, don, don. Si vous cherchez la bagarre. Jean-Michel. Don, don, don, don, non, regardez-moi bien. C'est le film sur Johnny, non? Avant, il faudra. Comment il s'appelle? Jean-Philippe. Ouais, c'est ça. Il est chaud. Oh le lavabo. Allez, c'est bon. J'étais pas mal. Culture cinématographique. Vous êtes c'est Zezette aussi, mais dans un autre film. C'est Père Noël ou c'est les visiteurs. Comme je vois que vous êtes du showbiz, est-ce que des fois vous connaissez pas Eddie Barclay? J'enchaîne encore hein. Oui. Allez, on est parti. Silence, maintenant, tu vas prendre une claque. Podium. Gendarmerie nationale. Au papier du véhicule. Ah, les ch'tis. Pardon, je relais trop vite, excusez-moi, mais bienvenue chez les ch'tis. J'ai la tête ailleurs. Ah, finir en beauté. Mais je reconnais ma faute. Vous avez été contrôlé à 50 km/h. 150? Non, 50. Il en reste 4. 2 fois 25. 50, mais... c'est possible ça? Mais oui, vas-y. C'est dangereux de rouler trop lentement. Mais on s'en fout de cette fille, c'est une pétale. Podium! Podium! Ouais. Juste un petit coup de pique. C'est des Mercedes. Oh là Taxi, là. Taxi, ça. Ils font des voitures Taxi, aussi. Ça. Dis-moi, il sait jouer au lièvre l'allemand? Il sait pas jouer au lièvre? Bah, je vais lui apprendre. Passe-moi 55. Allez, c'est bon. T'es fier de toi comme il dit ton père, hein? Ah, c'est du Connect, désolé, monsieur Van de la Brique, mais si notre fils, il a triché, bah, c'est peut-être aussi, il faut le comprendre parce que c'est trop de pression. Votre trimestre à l'essai, tout, la nouvelle vie, tout ça. Il a voulu bien faire. C'est ça, parce qu'il faut vous mettre à sa place. Les tuches. Son non frère réussit. Oh, oui. C'est les tuches. Son père entraîneur, sa sœur, Miss Bouzol. Et sa mère, parrainée au. Bon, et le dernier. Si, ça fait beaucoup. Quel est la montant ça, on peut s'écouter, que vous cool besoin? Parce que j'ai. Nous, ce qu'on a besoin, ce qu'on attend, c'est 180 000 euros qui viendraient vous faire. T'aimes bien que ce soit l'embrouille. 180 000, des cacahuètes. Il y a 8 millions de cartes de crédit. 8 millions, c'est énorme, 8 millions. Vous entendez ce que je veux dire? Les marques sont prêtes à payer jusqu'à 100 euros. Si on peut s'écouter, il reste un peu de temps, mais les cartes. Donc, sur 8 millions, vous êtes plus mal avec moi dans les chiffres, ça fait combien? Et ça fait beaucoup d'argent. 800 millions. 800 millions, le PIB de la Belgique. Ouais. Le chiffre d'affaires en un an, 320 milliards d'euros. D'accord? À ma droite, vous avez l'actionnaire principal. Combien tu mets sur les 400 000? 210 000 euros, oui. Ils ont été versés. Il nous manque 180 000 euros. Hein? Vous pouvez démarrer la structure. Des cacahuètes. Je l'ai dit. La première année, on démarre avec 400 000 euros. Ça, je comprends bien. Au bout d'un an, 320 milliards de chiffre d'affaires. OK? On prend minimum 10% là-dessus. Ça fait 32 milliards divisé en deux. 16 milliards chacun. Ah bon? Il est où le problème? Mais non, tu as raison. Mais monsieur Vassaro, si je dis à mes collègues de la service de crédit, écoute, j'ai rencontré deux très gentils hommes. Avec homme d'affaires. Oui, capitaine d'industrie. Oui, capitaine d'industrie. Il m'a donné ça. Voilà. Tu sais ce qu'il va faire avec moi? They are going to laugh in my face. Je n'ai pas compris. Punaise. Voilà, c'est fini. Ça, c'était. Merci Max. Une conclusion de. Avec plaisir, avec plaisir. Parfaite. Ma foi, de grande qualité. Merci beaucoup, Maxime. Grand plaisir. Qu'est-ce qu'on fait? Il nous reste 11 minutes. Alors, j'imaginais un petit image. Ok. Un petit image. Émis des images. Oh. Un petit hommage à Corentin et Fanny qui n'ont pas pu être là ce soir parce qu'ils sont malades. Coucou petite perruche. Malade. Soi-disant, hein, on sait. On sait que c'est sorti hier au cabaret Mademoiselle. Quoi. Voilà. Toujours. Et du coup, on voulait passer une de leurs chansons, parce qu'ils ont quand même fait l'effort de préparer toute une setlist, qui n'auront pas malheureusement le plaisir. Je pensais qu'ils avaient composé une chanson à deux, ça aurait été incroyable. Corentin et Fanny, si vous nous écoutez la prochaine fois, s'il vous plaît, développez quelque chose. Voilà, c'est une histoire de tirlipampon et d'autres choses comme ça. On vous fait des gros bisous, Corentin et Fanny, et à tous les auditeurs de ce Memento Beauf sur Radio Panique. Ils étaient quatre, ils ne sont plus que deux. Ils ont tenu jusqu'ici. Bravo. C'est parti. L'été dernier, fatigué, je suis parti sur une chaloupe, bronzer ma carte de crédit à la Guadeloupe. Dans un palace en bambou, j'ai rencontré Banana, la fille du roi des vaudous, qui m'a fait un truc extra. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait, Banana? Tire du pimpon sur le chihuahua, tire du pimpon avec la tête, avec les bras, tire du pimpon à tout en l'air, à tout en bas, tout ce qui est à sa défense. C'est comme une coco girl, je suis parti à Tokyo pour voir le soleil levant, c'est beau. Au pied du Fujiyama, j'ai rencontré Tatumi, la number one des geishas, qui m'a fait un truc inédit. Mais qu'est-ce que t'as fait, Tatumi? Tire les pimpons sur le chihuahua, tire les pimpons avec la tête, avec les bras, tire les pimpons à tout en l'air. Comme j'avais un rendez-vous, j'ai pris mon jean et babouche, et sur le Nil, je suis parti me la couler douce. À l'hôtel des pyramides, j'ai rencontré Osiris, la Madonna des harems, qui m'a fait un truc pas triste. Osiris, mais qu'est-ce qu'elle t'a fait, Osiris? Tire du pimpon avec la tête, avec les bras. Tire du pimpon à tout en l'air, à tout en bas. Touche les castagnes et moi je pousse à tes ananas. Et après, est-ce que t'as vu la Sophie? La Sophie du Burundi qui fait danser les bananes. Oui, Sophie, oui. Comme il faisait chaud, dis donc, je suis passé voir Sophie, c'est bon. Sous un baobab géant, elle m'a fait l'eucalyptus, un truc qu'aiment les éléphants, mais là je t'en dis pas plus. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, la Sophie? Tire du pimpon sur le chihuahua, tire du pimpon avec la tête, avec les bras, tire du pimpon. On vient de niquer le compresseur de panique, merci beaucoup. Asma! Désolé, sans transition, un petit yaourt aux fruits pour, je sais pas, terminer peut-être l'émission. Est-ce que tu as une anecdote avec avant, ça en douceur? Pas du tout. C'était une chanson qu'on écoute. Nique ta mère! Nique ta mère! C'était une chanson que j'ai découvert grâce à notre chère Flora Evenot, si tu nous écoutes, big up. Quand nous étions nos premières années à l'IEX. Ah là là, ça fait il y a beaucoup d'années maintenant. Lisa Monet, yaourt aux fruits, à nos belles années. Une histoire de manger sain. Exactement. Et qu'il y ait au moins une meuf qui passe ce soir. Les frites. C'était donc le yaourt au fruit proposé par Asma. Par ça Asma. Me fait plaisir. C'était un joli travail de yaourt. Merci, merci. Mais sinon, avec Max, on avait une petite proposition en l'honneur de notre hôte du soir. En l'honneur de... Arturito. Oh. Arturito. Et que serait une soirée beauf sans une bonne chanson de Patrick Sébastien. Ouais, c'est obligé. S'il te plaît. C'est obligé. C'est gentil. Encore une bougie de soirée. Ah, 27 février. 128 ans ce soir. Pour l'année entière. Joyeux anniversaire. Oh. Un joyeux anniversaire. Arthur, un petit mot, allez. Alors, allez. Le discours, le discours, le discours. En guise de discours, j'ai une chouette petite anecdote. On n'était pas obligé de la garder. Oui, oui. Laisse-moi vivre avec ma chanson, ok? Merde. J'ai une chouette. Tes parents t'ont conçu sur ce morceau, c'est ça? Quoi? C'est joyeux anniversaire. Il y a 28 ans. Ah, jour pour jour. Il y a 28 ans, moins 9 mois, mes Patrick parents m'ont conçu sur ce morceau. Non, ce que je voulais raconter, c'était que cette chanson, j'ai eu le plaisir de l'entendre une voire deux fois le matin, peut-être déjà un peu douloureux, je ne sais plus. Avec des colocs qui débarquaient, des colocs et des amis qui sont potentiellement autour de cette table, qui débarquaient dans ma chambre, à l'époque on vivait dans la même maison, qui débarquaient dans ma chambre en calbut, potentiellement peut-être encore sous de la veille, soyons beaufs, et qui mettaient cette chanson à fond sur genre une enceinte Bluetooth, et ils débarquaient dans ma chambre pour me réveiller le jour de mon anniversaire avec cette chanson-là. Et ça fait partie des jolis moments beaufs de ma vie sur cette magnifique scène. C'est pas le seul, hein, moment. Alors on n'attend pas Patrick. Merci Nicolas. Voilà, c'était l'anecdote. Mais on peut quand même la remettre là. Allez, allez. On l'écoute. Oui. Yes, yes. Et si vous nous écoutez, chantez avec nous. Yes. C'est uni. Le jeu 206. Il y a des gens qui ont encore des cartes en date première génération. Ta maman. Prochain. Un joyeux anniversaire. Un joyeux anniversaire. Cette ambiance dans le studio. Ouais. Je crois qu'on n'aurait pas pu mieux conclure, hein, de toute façon. On se regarde à travers la vitre avec Nicolas. Et on se comprend. On va arrêter. Oui, on va arrêter. On va laisser la place à Réservoir Dub pour une ambiance relativement différente par rapport à cette petite émission. Un petit reggae de Patrick Sébastien, c'est pas normal. Hein. Il y a. Vous. C'est à négocier. C'est à négocier. voilà, je voulais vous dire merci et d'avoir. Pour les sardines, no man. Bip bip. Ouais. Voilà, c'est donc la conclusion de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis pendant cette heure et demie de beaufitude, de beaufrerie ultime. Merci d'avoir à vous tous d'avoir été en notre compagnie. Merci à vous tous dans cette cabine d'avoir merci été à vous. Merci. Dans merci ces micros. D'exister. Et on se retrouve dans un mois. On se retrouve dans un mois pour un nouveau concept. On n'a pas encore décidé quoi, mais je crois que d'une façon ou d'une autre, ça sera très intéressant. Passez une très bonne soirée sur Radio Panique. Tout de suite, c'est Réservoir Dub. Je propose un dernier petit hip-hip et du gros bruit. Un dernier son. J'y arrivais, merci. Un air horn. Voilà. La dernière musique de cette conclusion d'émission qui est... C'est moi. Ça vient de Marseille. C'est une reprise, je sais plus comment il s'appelle le gars, il s'appelle Bengus, Thiers la famille. C'est très beau. Thiers la famille, c'est donc la conclusion de cette émission. Bonne soirée. C'est parti, Frangin. Salut. Que les copains. Cosmopolitan Hero. Tous unis, tous ensemble. On n'est pas des milieux sur Terre. On est des milliards. Black, blanc, beurre. Tout le monde, c'est la famille. Tiens la famille, c'est la famille. Tiens la famille, tiens la famille. Tiens la famille, c'est la famille. Tiens la famille, tiens la famille. Tiens la famille, tiens la famille. Ou pas? Non? Cache à faire en tête, bébé! Tout le monde, c'est la famille. Tout le monde, gros! Ton cousin, ta cousine, ton père, ta mère. Et tout le monde, c'est la famille, gros! Même le Parisien, c'est la famille. Voilà, part, tu portes le maillot du PSG. Hein. J'ai la famille, j'ai la famille. À Marseille, j'ai le bienvenu. C'est pourquoi moi? Parce que j'ai la famille. C'est quoi, c'est quoi? C'est la famille. Qu'est-ce que tu es? J'ai la famille. C'est quoi, c'est quoi? J'ai la famille. J'ai la fafa. J'ai la famille. C'est quoi, c'est quoi? C'est la famille. Qu'est-ce que tu es? J'ai la famille. C'est quoi, c'est quoi? J'ai la famille. J'ai la fafa. J'ai la famille. Voilà le zoo. C'est la famille. Et là, j'ai le sacchio. J'ai la famille. Va tout là. C'est la famille, c'est la famille, c'est la famille, hey, c'est la famille. rassembler un peu tout le monde. Ah ouais. Ah, par contre, sans les jaloux et les envieux, se faire encadrer. Et sur ce, je t'embrasse, allez, bise, tu m'as gonflé, allez, bise.